Merci pour ces informations. Et dans une rédaction parallèle à France Inter, voici comment on prépare la venue de l'invité. Salut les amis. Salut Charlie. Aujourd'hui on reçoit Sylvie Testu. Ah, on l'aime bien. On l'adore. Oui, elle vient pour quoi? Pour un disque. Elle chante? Mais non. Voilà. Je sais très bien. Non mais elle vient pour un film ou pour un livre? Pour un film. Ouais. Ah non, parce qu'elle écrit aussi des livres. Bah, hein, je savais. Justement, c'est le thème du film. Je comprends rien. Non. Non, mais... En fait, le film, c'est l'adaptation de son livre. Voilà. C'est ça, ouais. Elle vient pour un livre. Mais non. Je comprends rien. Elle vient pour un film qui est tiré de son livre. Voilà. Et c'est quoi le thème du livre d'ailleurs? C'est l'histoire d'une actrice qui n'arrive pas à faire un film. Pardon. Ah ça y est, va faire un analyse. Vous avouez que c'est pas très clair. Pourquoi l'actrice du film, elle veut faire un livre? Mais c'est elle l'actrice. Bah oui, c'est... Mais alors pourquoi elle a voulu faire un livre? Mais parce qu'on lui a interdit de faire un film. Mais alors pourquoi elle vient pour le film si on lui a interdit de le faire? Mais c'est pas elle qui a fait le film. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait un livre alors? Mais parce qu'on lui avait interdit de faire un film. Et donc elle a fait un livre. Mais alors pourquoi elle joue l'actrice qui veut faire un film dans un livre? Mais parce que c'est l'histoire du livre qui est devenue un film et dans lequel elle joue le rôle de la fille qui a écrit un livre parce qu'elle ne peut pas faire de film. C'est quand même clair, non? C'est très clair. Bon, alors je me calme. Alex, est-ce que maintenant tu as compris pourquoi Sylvie Testu venait aujourd'hui? Oui. Bon. Et pourquoi est-ce qu'elle vient aujourd'hui? Pour foutre la merde dans l'équipe! Mais non! Bonjour la France Inter, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui met du fil dentaire dans la fondue d'actualité. Et voici les deux invités qui vont se retrouver tout nus dans l'escalier jusqu'à 18h. Avec Sylvie Testu, on parlera du dernier clip de la chanteuse M.I.A. qui s'empare du thème des réfugiés et elle en profite pour égratigner les Émirats et le PSG. Et puis Yves Bigot viendra nous parler du rock qui n'est jamais aussi rock que quand on cherche à l'étouffer, comme ce fut le cas entre autres sous le régime de Ben Ali en Tunisie. Et je suis accompagnée de celui pour qui le rock c'est déjà Dick, c'est Alex Vizorek. Mais oui, on a le droit d'aimer Dick Rivers. Bonjour Charline Vanhoenacker. Alors toute cette semaine, je vous ai préparé une liste de chroniqueurs de qualité. Aujourd'hui, on va écouter Thomas VDB. Je ne sais pas si vous vous souvenez, début janvier, on a perdu pas mal de grands artistes. Et bien Thomas a rendu hommage à tout le monde en un coup. Guillaume Meurice, lui, il avait été préparé les régionales en région PACA, il avait été à la rencontre des électeurs Front National. Un beau moment de radio en perspective. Et puis, un deuxième Thomas, pour le même prix. Thomas Bideguin, qui lui, lors de sa toute première chronique, nous avait parlé des comebacks. Un beau souvenir. Allez, en voiture Simone. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Non, elle chante des livres tirés de ses films. Non, mais j'essaie d'être très clair. Ah, expliquez-nous. Parce que moi, on va déjà dire Arrête ton cinéma de Diane Curis, qui a réalisé un film tiré d'un livre. Vous allez nous dire, Sylvie Testu, alors clairement, comment alors, ça se passe? Je vais essayer d'être très très clair. Ah. Je suis actrice, j'ai pas réussi à monter un film, donc j'ai raté. De là, j'étais très très triste et j'ai décidé d'écrire un livre. Mais il est devenu très très drôle. Donc, une réalisatrice qui a décidé d'en faire un film où on parle de ce ratage tout en rigolant beaucoup. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Je vais essayer de repasser derrière. Et vous jouez dedans. C'est ça. Voilà, d'accord. Et là, oui, c'est là que c'est subtil. Alors, Céline. C'est là où on était perdu. Alors, rappelons mais il n'y a pas que moi. Au départ, non, il n'y a pas que vous. Voilà. J'étais toute seule à écrire le livre, mais dans le film, je suis pas toute seule à tout jouer. Tout à fait. Il y a même un magnifique duo, on va en parler, Josiane Balasko, Zabou Bretman. Il y a aussi Fred Testo ou François-Xavier Demaison ou Virginie Hoc, Hélène de Fougerolles. Claire Keim. Et Claire Keim, bien sûr. Voilà, il y a un magnifique casting. Alors, c'est l'histoire d'une compromission parce que vous tenez un scénario qui est très, très personnel qu'on vous propose de réaliser. Mmh. Et vous vous faites vampiriser finalement l'histoire par deux folles, deux productrices. Elles vous vampirisent l'histoire, elles vous changent plein de choses et ça ressemble plus du tout à ce que vous aviez fait au début. Jamais vous n'arrivez à dire stop. Non, en fait, c'est-à-dire qu'elles sont persuadées qu'elles ont la recette du succès. Elles ont des arguments qui pourraient tenir, mais ils sont basés sur des fausses raisons. C'est-à-dire le succès du produit fini, alors qu'il n'est même pas commencé. C'est-à-dire qu'elle n'a pas commencé à écrire son scénario, qu'on lui dit, écoute, ça va être super ton histoire, mais il ne faut pas que ça se passe à l'hôpital. Il faut que ça se passe dans un rat, parce que Japlou, ça a super bien marché. Maintenant, les gens ils veulent voir des chevaux. C'est un peu comme vos suites, je pense que vous allez y venir. Puis ensuite, il y a la deuxième qui dit, non, moi, je crois que j'ai encore mieux dans un bar à putes. Au moins, c'est sensuel, les gens aiment bien voir les filles en jupe courte. Et donc, finalement, voilà. Les infirmières et putes. Voilà. finalement. C'est à propos du film, c'est pas moi. Non, ce que dit l'actrice, c'est finalement, être actrice, c'est un peu pute. C'est-à-dire qu'elle-même se dévalorise totalement parce qu'à force qu'on lui ait dit des horreurs sur son métier, finalement, elle finit par y croire. Non, en fait, ça raconte le ratage en groupe, quelque part. Ces productrices qui sont complètement cinglées sont aussi passionnées que la fille qu'elle contacte, c'est-à-dire mon personnage. Et en fait, elles ratent en même temps, sauf qu'elles, elles sont sûres qu'elles ont une recette, et c'est-à-dire qu'elles ont le pouvoir de l'argent, alors qu'elle, elle est une artiste et qu'elle essaye de raconter son histoire qui est hyper perso, mais sans argent, bah, de toute façon, elle ne peut pas le faire, donc elle est obligée d'écouter. Et donc, vu qu'on est parti de faits réels, moi, c'est ça qui m'a angoissé, c'est en tant que créateur, vous, on vous enlève votre bébé. Je crois que ça m'a pas angoissé, moi. Mais oui, mais justement. Et donc, je me suis dit, quelle est la part d'exagération qui fait une comédie? Et quelle est la part de choses que vous avez vraiment vues et vécues? En fait, la part d'exagération, c'est déjà le personnage de Sybille. En fait, j'écris, bon, j'en suis à mon sixième maintenant roman, j'écris tout le temps sous le nom de Sybille, c'est-à-dire c'est un petit peu ma bad side. Et plus je la rends bête, et plus je la rends naïve, et plus j'ai l'impression que moi je le suis moins. En fait, c'est une thérapie. Que je suis beaucoup moins conne. Si la vitesse tue, allongez-vous, on va en parler. Clair, non, si je m'allonge, je me relève pas, moi je le sais. Donc je ne m'allonge pas, je préfère écrire. J'en ai connu comme ça. Donc, ah, pardon. Non, continue. Il est convaincre. C'est ça, le truc, faut savoir convaincre. Mais donc voilà, en fait, il y a, en fait, moi je pars souvent d'un ressenti qui est vrai, et après je trahis les choses à mon avantage ou contre le personnage que je suis en train de mettre en scène pour que ça devienne drôle. J'étire le truc jusqu'à ce que ça devienne un peu du clown, que ce soit un clown blanc ou un clown un peu plus classique comme ce que font Josiane Balasko et Zabou Breitman dans le film. Il y a deux Augustes et un clown blanc en gros. Et moi, je prends le parti de la personne qui baisse la tête et qui dit oui à tout. Est-ce que vous avez recroisé les deux productrices d'origine depuis que ce film va sortir? C'est-à-dire Josiane, celles qui vous ont dit non, celles qui vous ont dit non en fait. Oh, c'est pas deux, c'est pas une seule, deux portes hein, seulement que j'ai pris dans la figure. Hein, c'est tout. C'est tout. Ah oui, on sent qu'il y a un concentré. Ça pourrait être à 18, ouais. Quoi. Donc moi, je suis obligée de réduire au truc pour que, parce qu'en fait, ouh, je vais enlever ce casque. Parce qu'en fait, je m'entends parler, ça m'effraie. Et en fait, c'est-à-dire que le financement, maintenant, aujourd'hui, les films, il y a plus de producteurs qui sont capables de monter un film tout seul. Ils sont eux-mêmes soumis en fait au oui au non des financiers, et pour un public c'est une galère d'entendre parler de tout ça. En revanche, ils connaissent le métier de producteur, donc j'en ai fait deux personnes qui matérialisent un petit peu ce que représenterait l'argent en fait. D'accord, mais vous n'avez pas recroisé des gens qui vous ont dit non ou qui vont voir le film? Tous les jours, bien sûr, okay. Que oui. Et il y a des malaises dans les conversations, il y a des blancs dans les conversations? Ben non, parce que vous savez quoi, il y a plein de gens qui m'ont proposé à moi de réaliser le film tiré de mon livre. Ah d'accord, ok. Donc c'est quand même jamais, quoi. En fait. Je comprends rien. Faut faire un livre là-dessus. Mais non, mais parce que vous savez quoi, ça a toujours marché, ça. Le cinéma dans le cinéma, la peinture dans la peinture, c'est un truc, c'est super drôle. On peut sortir de ça, de la dérision, ça s'appelle. Il y a un côté 10% dans le film, je trouve. Si vous avez aimé ça, oui, si vous aimez voir oui, ça se passe dans le monde du cinéma. Puis lui, il a étiré aussi. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas ça toujours chez les agents, mais ça peut arriver. Voilà. Alors, donc, on rappelle que le livre, originellement, s'appelle « C'est le métier qui rentre », publié très élégamment écrit. Publié chez Fayard. Et le film s'appelle « Arrête ton cinéma » de Diane Curis, avec bien sûr Sylvie Testu, Josiane Balasko, Zabou Breitman, moi qui me font un peu penser à ce duo de Absolutely Fabulous. Absolument. La série, hein, je pense que c'est pas mal inspiré. C'est exactement ça avec Patsy. Il y a Fred Testu et François-Xavier de Maison. Aimer sur un seul pied sans savoir où poser ses lèvres ou ses pensées, si seulement j'avais. Seulement j'avais aimé mais d'un seul trait avoir su proposer. Si seulement j'avais. Si seulement j'avais. Avec le temps fort nécessaire, avec les yeux sous. Savoir vous poser ses lèvres ou ses pensées. Si seulement j'avais avec le temps fort nécessaire, avec les yeux sous la lumière, avec les mains ça c'est les nerfs, avec le temps fort nécessaire, avec le temps fort nécessaire, avec les yeux sous la lumière, avec les mains ça c'est les nerfs, avec le temps fort. Nécessaire, avec les yeux sous la lumière, avec les mains ça c'est les nerfs, avec le temps fort nécessaire, avec les yeux sous la lumière, avec les mains ça c'est les nerfs, avec le temps fort nécessaire, avec le temps. Avec le temps, Louise attaque. France Inter vous informe que le wagon-bar est ouvert. Si tu écoutes, j'annule tout, démarre toujours à l'heure. Et aujourd'hui, on embarque Sylvie Testu. Alex, vous connaissez la chanteuse M.I.A. ? Celle que vous avez appelée Mia pendant toute l'émission. D'accord, très bien. Alors, son dernier titre s'appelle Borders. Borders, you know ? Oui, okay. Oui, frontières. Il est assorti d'un très beau clip qu'elle a réalisé, exact. Et où elle met en scène des réfugiés. Et pendant quelques secondes, dans ce clip, elle apparaît avec un maillot du PSG dont le logo a été détourné en Fly Emirates. Fly Pirates. Oh, et là, bah, c'est le drame, c'est le drame. Bonjour. Est-ce que vous ne trouvez pas indécent d'investir de telles sommes d'argent dans l'achat de joueurs de foot en pleine crise ? Pourquoi il répond pas ? Parce que... La France, il parle pas à toi. La France, il parle pas à toi. La France, il parle pas à toi. La France, il parle pas à toi. Les guignols de l'info, quand Canal était toujours... Canal. Alors, le PSG ne veut pas être associé à, je cite, une telle dénonciation du traitement et des conditions de vie des migrants qui arrivent en Europe. C'est donc le dernier clip de Mia, qui a un magnifique clip que je vous engage à aller voir d'ailleurs. Sylvie Testu, vous qui avez été marquée par le film L'Effronté, qui est une effrontée, j'imagine que Mia, avec son maillot du PSG, Fly Pirates, ouais. Est devant, dans ce clip avec les réfugiés qui traversent la Méditerranée, année, ce genre de truc qui vous plaît, j'imagine. C'est assez amusant. Déjà, je voudrais dire que son clip, c'est vrai qu'il est très très beau. Quand elle fait ce boat avec tous les gens qu'elle représente, je trouve que c'est magnifique. De toute façon, elle fait toujours des clips sublimes. Et je trouve qu'elle le fait même très élégamment de porter ce t-shirt où il y a Fly Pirate, où elle n'a pas tort d'ailleurs, qu'elle remet en cause tous ces transferts d'argent qui sont monstrueux. Les mecs, là, ils sont en train de l'attaquer. Parce qu'elle elle dénonce. Oui, elle a détourné le logo voilà, du sponsor. Elle a détourné le logo et sont en train de l'attaquer. Mais ils ne disent pas, tiens, on va peut-être rajouter un tout petit peu de blé, peut-être pour faire quelque chose pour tous ces gens qu'elle représente super bien d'ailleurs dans l'eau en train de marcher. Alors, cela dit, anciennement, j'ai vérifié, le PSG aurait fait un chèque il y a quelques temps d'un million d'euros pour les migrants. Enfin, c'est oui, peu de choses par rapport. Oui, voilà, c'est ça. Ce migrant portugais, Ronaldo, qu'on accueillerait très volontiers. Par rapport à ton transfert quand même dont on entend parler en vrai. Ouais, c'est quand même minou. Ouais. Et moi, je sais même pas si je sais compter jusque-là d'ailleurs. À chaque fois que j'entends ces sommes, je dis oh là là, mon Dieu. Ouais, ouais. C'est donc c'est MIA parce que Mia le mec, quand il fait ses comptes, il en a pour une semaine. Non, le PSG a fait une erreur en médiatisant ça parce qu'on a beaucoup plus parlé du clip. Donc... Évidemment. Et maintenant, le t-shirt s'arrache. C'est vrai que ça donne envie de l'avoir, ce t-shirt. Elle dit qu'elle l'a acheté au Qatar, ce t-shirt, en allant vers le lieu du tournage. Ça veut donc dire qu'il y a des insolents au Qatar. Ouais, et c'est assez rassurant. Il y en avait. Sylvie Testu, on va aborder le sujet 2. Hein, parce qu'il existe quelques mètres carrés d'espace public qui ont traversé 25 ans de loi F1 en fumée quand même. Oui, un wagon qui fait la ligne Paris-Château-Thierry et où les gens fument et pas que des cigarettes. Un véritable scandale d'État si on laisse faire, voilà ce que ça va donner. Excusez-moi, une Marlboro. Oui, bien sûr, tout de suite. Qu'est-ce que c'est, une Marlboro ? Une cigarette, n'importe quelle cigarette. Fumer vous fait du mal. Il a été estimé que tout ce qui nous fait du mal est mauvais. Donc interdit. Alcool, caféine, viande, sport de contact. Vous foutez de ma gueule. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité chocolat, du langage. Essence, jouets non éducatifs, nourriture épicée. L'avortement aussi est interdit, de même que la grossesse si vous n'avez pas d'autorisation. C'est un extrait de Demolition Man. La loi est 20 à 25 ans et donc voilà, il y a un wagon où les gens fument. Bon, la SNCF peut trop rien dire parce que les contrôleurs sont en uniforme, ils peuvent verbaliser qu'en uniforme il y a toujours un gay qui prévient les autres. Donc ils ont réussi à traverser 25 ans de loi E20 en taffant. J'ai l'impression que ça va vous plaire parce que n'arrêtez pas de cloper dans le film Sylvie Testu dans Arrête ton cinéma de Diane Curis. Mais jamais. Ça marche pas bien mon briquet. J'arrête pas d'allumer. Non, parce qu'elle d'ailleurs, moi, j'aimerais beaucoup. Non, ça me fait rire parce que c'est quand même pas une agression non plus. C'est une liberté qu'ils prennent avec des lois. Bon, c'est sûr que bon. Pas se laisser enfumer, et je lisais tout à l'heure. C'est où, Château Thierry? Alors ça, vous demandez ça à des Belges, alors nous, c'est ligne P. Non, c'est la ville de Château Thierry. Château Thierry, non. Je croyais que c'était en Bretagne. C'est en Bretagne. Je retire tout ce que j'ai dit. Je constate que personne ne sait. C'est pas très grave. C'est entre 30 et 50 bornes de Paris. D'accord, ouais. Ah oui, je vois où. Ah, bien sûr. C'est là. Bien sûr. Je vais vérifier. Pas du tout. Parce que là, vraiment. Alors, il a un ordinateur, il va regarder ça. En tout cas, on a bien bossé le sujet. Si c'est vrai qu'ils discutent que ça leur permet d'échanger, je sais pas si vous avez remarqué, tous les endroits non fumeurs, généralement, même les non fumeurs se retrouvent dans le fumoir, là où tout le monde est plus détendu. Enfin, ouais, socialement, il se passe quelque chose, alors. Bizarrement. Rencontre. Bah ouais. C'est ce qu'explique. Vous avez l'air d'être une non fumeuse. Oui. Voilà, comment vous l'avez deviné? Non, parce que vous êtes étonnée de ce que je vous dis, alors que moi, qui n'ai pas encore réussi à arrêter, mais qui ne désespère pas. J'ai jamais arrêté, même pas une demi-journée, c'est affreux. Et ben, je les vois qui arrivent comme ça dans les volutes et qui viennent discuter avec moi et qui se foutent bien pas mal subitement des volutes qui sont en train de respirer. Et du coup, si ça les, ça leur permet de discuter entre eux, bon, ça fait toujours un point positif. Voilà, je dis ça comme ça, mais bon, c'est vrai que c'est pas bien d'enfreindre les lois. Je vois aussi les bronchites qui durent 3 semaines, mais bon. Non, mais bon. Ça, oui. Bon, non, si c'est pour niquer l'ambiance, ouais, voilà. Ça peut arriver, c'est vrai. Alors, géographie, c'est entre Paris et Reims, bien sûr. Ah, bien évidemment. Bien sûr, voilà. Château Thierry, vous avez dit, mais oui, bien sûr. On avait dit à trop pourrir. Jamais, oui. Ce qui permet de boire un petit coup tout en fumant dans le wagon. Thomas VDB, c'est moi. Je vais donc commencer ma rubrique actualisique dans quelques secondes maintenant. Vous savez ce que c'est que l'actualisique, Sylvie Testu? Pas du tout, mais vous allez m'expliquer, il faudra que je comprenne. C'est pas dur à comprendre, c'est un mélange d'actualité et de musique. Actualisique. C'est un mélange d'actualité et de musique. Actualisique. Je pense qu'on a bien compris. Alors, c'était pas très dur à comprendre. Ah, c'est les Snens. C'est le Raffarin Mix. En 15 jours, le rock a perdu 2 icônes, Lemmy de Motorhead et David Bowie. C'est hallucinant. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'on a beaucoup vu Philippe Manœuvre à la télé ces derniers jours. Hein, parce qu'il est invité sur tous les plateaux télé dès qu'une célèbre personnalité du rock meurt. Et puis, j'ai remarqué un truc, c'est que plus les rockers qui meurent sont connus, plus Philippe Manœuvre est dithyrambique. Et c'est ça qui est bien, c'est que plus Philippe Manœuvre est dithyrambique, plus il monte dans les aigus et plus il est rigolo à écouter. Et Lemmy, c'était le rocker numéro uno. Il avait peur de rien, il est allé au bout de ses rêves. Mais David Bowie, c'était un caméléon. Il a toujours été à la pointe de la pop musique. Voilà, et on passe des soirées formidables devant la télé. Alors moi, hier, pour tout vous dire, j'ai presque pleuré en apprenant la mort de Bowie. Alors, j'ai pas pleuré quand même, parce que je suis pas une chochotte, mais j'étais très triste. Et en rentrant chez moi en soirée, j'ai fait comme je pense des millions de gens ont fait, j'ai mis un album de Bowie sur la platine, ce que je me sens d'ailleurs toujours un peu bête de faire, de mettre un album de quelqu'un qui vient de mourir sur la platine, parce que j'ai un peu l'impression d'obéir aux actualités. Et j'ai écouté un de mes morceaux préférés du monde, qui est Under Pressure, ce morceau génialissime qu'il enregistre avec Queen. Bah, oui. Et il y a un moment où il chante Why can't we give love, give love? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas se donner de l'amour? Et à ce moment-là, j'ai eu des frissons. Et c'est bête, mais j'ai eu l'impression d'une révélation mystique, comme si c'était la première fois que j'entendais ce morceau. Et croyez-le ou non, pourtant habituellement je suis pas du tout superstitieux, c'est vrai, dans mon appartement, alors qu'il faisait pas du tout beau hier, à ce moment précis, pendant quelques secondes, il y a eu un rayon de soleil qui a éclairé tout l'intérieur de mon appartement. Ça a duré vraiment une dizaine de secondes. Et là, c'était la nuit, donc. Non, c'était en pleine journée. Mais j'ai cru, c'était en fin de soirée, quoi. Mis le soir. Ah, mais merde. Fin d'après-midi, ok. Vous reveniez de Château-Thierry dans le Val d'Oise. Je reviens de Château-Thierry en Bretagne. Putain, c'est un moment d'émotion. J'ai tout foutu en l'air. Mais ouais, parce qu'à ce moment-là, j'ai cru un signe. Pour vous dire franchement, j'ai cru un signe. Je me suis dit, Bowie, il a pas été là pour rien. Il est en train d'envoyer un message. Et si j'en crois ce que je viens de voir pendant seulement 10 secondes en écoutant la chanson, je me dis, c'est peut-être un signe que le monde n'est pas complètement barré. Et à ce moment-là, en bas de ma fenêtre, j'ai entendu un grand coup de frein, j'ai entendu un mec gueuler « Et ton clignotant, hein, pauvre con !» Et l'autre mec qui a répondu « Et ta gueule, les connards !» Et je me suis dit, voilà, la superstition, c'est un peu surestimé, je sais pas si c'était un signe de quoi que ce soit. Alors en tout cas, on a perdu ces derniers temps tellement de figures artistiques que ça devient dur de suivre. On est vraiment dépassé. Bowie, Michel Delpech, Galabru, j'ai pas eu le temps, moi, de rendre hommage à tout le monde, d'autant que certains ont peut-être... Non, mais attendez, parce que peut-être certains ont été touchés plusieurs fois dans cette terrible série de disparitions. C'est pour ça qu'exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai préparé un méga mix des hommages à tous ces disparus. En voulant partager ma peine tout d'abord aujourd'hui avec les fans de Bowie qui étaient aussi fans de Michel Delpech. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça gêne de virer avec nous pour un fleur. Avec toi, je ferais n'importe quoi. Je serais prêt à tout pour un simple rendez-vous. Parce que je pense aux deux. Voilà, ça c'est important. J'imagine qu'il y en a. Mais je voulais aussi aujourd'hui avoir une pensée pour les fans de David Bowie, mais qui étaient aussi fans de Michel Galabru. Oui. Let's dance, la la la la la la la la la la. Let's dance, la la la la la la la la. Il a dit qu'il avait arrêté de fumer. Ils sont probablement peu nombreux, mais il y en a aussi sûrement. Ce sont les fans de Motorhead et de Pierre Boulez. Parce qu'évidemment, je ne connais aucune des paroles des chansons de Pierre Boulez. Et pour terminer, eh bien, je voulais avoir une pensée pour Philippe Manœuvre, qui heureusement n'est pas mort, mais qui partageait sûrement de nombreux fans avec Michel Galabru. Et pour eux, je voulais dire « Fougas, Merlot, Tricard, Berlico, on va chasser les nudistes ou quoi ?» Voilà, je pensais que c'était intéressant d'en parler. Merci à tous. Belle conclusion. Merci Thomas VDB. Oui, c'est des raisons, c'est que vous ayez arrêté de fumer. C'est... Ouais, ça me tend beaucoup. Ça me tend beaucoup. L'astuce s'est écartée. Elle a reculé régulièrement. Je me suis dit, mais quel est ce phénomène quand on arrête de fumer ? C'est ça. J'espère, Sylvie Testu, que maintenant vous avez bien compris l'actualisique, c'est-à-dire l'essence du... Okay. Un petit peu d'actualité. Très très bien. Un la croisée de des hommages. C'est exactement. C'est le cross... crossover. Voilà, c'est le crossover, le cross-hommage. Voilà. Merci Thomas VDB. Je vous encourage bien sûr à aller voir la vidéo aussi, parce que Thomas VDB... En geste. Je fais le chef d'orchestre aussi, il faut savoir. Sylvie Testu s'est aussi reculée parce qu'il y avait une mandale qui partait dans un petit emballement. Sylvie Testu, tiens, vous jouez dans une comédie, hein, Arrête ton cinéma, et on a justement une proposition indécente à vous faire qui est un petit peu connexe. En fin d'émission, on donne toujours un rôle à l'invité. Alors, vous, je vous aime bien, je vous donne le choix. Entre un truc affreux et un autre truc affreux. Entre Jerry Hall et Carla Bruni. Car. Jerry Hall va se marier avec Rupert Murdoch, le roi des médias qui a 25 ans de plus, et elle va en parler à sa copine Carla. Alors vous pouvez choisir le rôle. On s'est dit, si vous êtes copine avec Carla, peut-être c'est embêtant, non, tout ça. Moi, je préfère faire Carla. Ah, chouette. Alors on vous donne Carla. Charline Vanhoenacker va faire Jerry Hall. Moi, et Jerry Thomas Hall. VDB, attention. Et Rupert Murdoch, on se rend. Bien sûr. Pense qu'elle doit habiter dans le 6e, Carla. Hi, Carla. Salut Jerry. Je voudrais te présenter mon mari. Tom? Ben, Tom et Jerry? Je comprends pas. Non, moi c'est Rupert. Ah, Rupert Murdoch, milliardaire. Ah, yeah, baby, yeah.